dans la zone 89.1. Siffle dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On insérera la vis de la connaissance dans le trou de votre cerveau avec Kiki Sexy Time. Et Alexandre Carignan ajoutera de l'art dans nos vies, on en a besoin. C'est le temps de culture. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 15 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut, JP. Salut. Ça va? Oui, ça va. T'as aimé ma vis de la connaissance dans le trou de votre cerveau? Ah, oui. J'aurais pu aussi dire le clou de la connaissance dans la planche de votre cerveau, mais ça marchait moins. Ouais, c'est moins le fun. C'est moins le fun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut insérer dans quelque chose? La mèche dans le Jeep Rock. Le Jeep Rock de votre cerveau. Ouais. C'est bon, ça. Je parle de Jeep Rock parce que j'en ai plein sur moi, Mathieu. OK, et c'est ton surnom aussi après GP, Jeep Rock. Ben parce que t'es un amateur de rock. Roll. Exactement, Mathieu. Voilà. C'est toi qui allais me rock classique les vendredis après-midi. Non, c'est pas vrai. Pas encore. Non. Attention, Alain Lefebvre, ton siège. Ce n'est pas mon créneau. Mais oui, tu sais, il fait doux dehors. Oui. Puis aujourd'hui, c'est le jour des poubelles par chez nous. Oui, moi aussi. Fait que je me suis dit, je vais faire le ménage des cossins que j'ai sortis, tu sais, durant l'hiver, puis que j'ai pas mis parce que ça a pogné dans la neige. Puis là-dedans, il y avait du Jeep Rock. Jeep Rock. Ouais. Ça, c'est viril, ça, c'est du Jeep Rock. Jeep Rock. Il a fallu que je lave mes choux. Tes choux? Ben oui. Full bilingual, man. Oh, wow. Donc, bienvenue à Assemblage requis. Où s'en allait après ça, je sais pas trop. Non, je sais pas moi non plus. Hein? Je sais pas moi non plus. Non, mais c'est pas grave. J'en ai encore un petit peu sur la main. C'est cool, je vais parler du plan aujourd'hui. Ça non! J'ai du prog partout, Mathieu! Calomnie! Donc, aujourd'hui à l'émission, évidemment, notre classique du mardi, c'est toujours King Sexy Time. Oui. Donc, on va faire ça dans quelques instants. On va aussi avoir Alexandra Carignan en toute fin d'émission avec le temps d'une culture. Malheureusement, on avait annoncé Marie-Laurence Audet. On n'a pas Marie-Laurence aujourd'hui. Elle se reprendra deux fois plutôt qu'une. Mm-hmm. Parce qu'il reste deux semaines à l'émission. Et la semaine du 14, la semaine du 21. En fait, il reste la semaine du 28 aussi. On est la semaine du 14 là. C'est là, Mathieu. Fait qu'il reste trois semaines comptant celle-ci. Deux semaines sur le compte, pas celle-ci. Ah, ouais. C'est mal. Il reste 10 émission, ça que ça veut dire. Hein? Oui, en comptant celle-ci. En comptant celle-ci, oui, parce qu'hier, on a dit qu'il en restait 10 sans compter celle d'hier. Hey, c'est mêlant, là. Demain, il en reste 10 sans compter celle d'hier. C'est ça. Inclusivement, nonobstant. Toutes choses étant égales par ailleurs. Et le part et le secret. Voilà. C'est Assemblage requis. Bon. On va aussi faire son petit palmarès à la suite d'hier. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, ça va être super le fun, mais on va débuter en musique comme on le fait toujours. D'accord. Quoi de mieux que commencer en musique? Et je vais commencer avec une pièce qui plaît à pas mal tout le monde, je te dirais. Même, ça va jusqu'à brancher le monde. Tu sais, brancher le monde le dimanche après-midi? Oui, monsieur. Trip bien raide sur cette chanson-là. Uh-huh. Fait qu'on va y faire jouer. Et à vous tous aussi, voici 12 Pack de oui. Pif Paf Hangover. Sur C'est Fou, bonne émission. Nonobstant le plaisir du... Lendemain de veille. Vaut mieux que pif deux, paf. Tu l'auras. Pif Paf, lendemain de veille, oui. C'est vrai. Ouais. Une grosse barbe. Zach Galifianakis. C'est dans le film. Okay. Mike Tyson. Oui, aussi. Do you remember the days on the Ivy campus? 12-pack de Pif Paf Hangover. Mm-hmm. Depuis quand, combien de temps tu connais ça, toi, de Pif Paf Hangover? Tu connais ça? Comme ça comment, toi? Ben oui, Mathieu, je sais pas si tu le sais, mais j'ai remplacé Karina Tardif dans Les Audacieuses de mercredi. Tardif, tu devrais savoir, c'est ta copine. Ouais, Tardif. Je sais, mais je dis ça ouais. Pour la plèbe. Là, les gens la qui, plèbe! Les gens qui comprennent pas qu'il y a un F à la fin quand le même. Petit peuple. Oui, c'est ça. Donc, les mercredis à 19h. Ouais. Et puis, elle avait joué Pif Paf Hangover. Okay. C'est là que j'ai connu cette chanson. Ok, qui avait fait jouer ça? C'était pas toi, c'était pas Karina non plus. C'est un de leurs collaborateurs, appelons-le comme ça. Okay. C'est Mathieu Larochelle qui appelle d'Abitibi toutes les semaines. Sa chronique, j'imagine, s'appelle L'appel de Larochelle ou Larochelle l'appel. Oui, logo, graphique, caméra 3. Caméra 3. On la refait, ok. On la fait en rond, je vais la refaire en rond. Mais je sais que tu proposes d'autres noms de chroniqueurs que tu connais autour de peut-être les Audacieuses ou ailleurs. Je vais essayer de trouver des noms de chroniques pour les aider. Souvent, je peux les aider. C'est un service communautaire que je fais. Oui, ben, il y a PC Falardeau. Oui. Je sais pas s'il y a quelque chose comme ça qui te vient en tête, parce qu'il y a déjà un nom de chronique PC, parce qu'il fait juste venir vraiment rapidement en studio, parce qu'il est dans sa pause de cours. Est-ce que c'est le nom de sa chronique? Parce que moi, faut pas que tu me dises des noms de chronique, sinon ça va trop m'inspirer. Oui, c'est pour ça. Faut que j'aille vraiment avec mon juice. J'essaie de te donner du matériel. Du jus. Oui. Fais ça au PC. Oh, wow! Parce qu'il fait ça vite. Fais ça au PC. Au plus Christ. Au Pierre Christophe. Oui, exactement. Le Christ, c'était le début de Christophe. Oui. C'était pas un sens. Ben c'est bon, ça, Mathieu. Merci. Je la trouve très bonne. Quand même. Mais eux, ils l'ont appelé la petite vite à PC. Plate. Nul. C'est plate! Bon. Ben c'est ça. Puis, ben, il y a d'autres. Des fois, il y a d'autres personnes. Je sais que la semaine passée, il y avait Simon Rivrain qui est venu présenter une chanson. Simon Rivrain. C'est mon riverain. Ah oui, attends. Oui. C'est une chronique musicale? Oui. Parfait. Des couplets et des refrains. Riverains, refrains et riverains. Ah! T'as pas su? Mathieu, tu m'épuises. Ouais. Merci. Il y aurait aussi peut-être, moi j'avais pensé, j'ai tout à l'heure eu en tête que si Myriam Lorty pouvait un jour faire une chronique, si Myriam Lorty des précieuses ridicules, oui. Faudrait que ce soit, tu sais, quelque chose sur l'horticulture. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Ou sinon, tu sais, l'article de journal, tu sais. Parce que, tu sais, elle fait un article de journal dans Zone Campus, l'article. L'article. Ça devrait s'appeler de même, l'article. Mm-hmm. Mais bon, je trouve que c'est une opportunité ratée de la part de Zone Campus, mais ça, on s'attend à ça. Ouais, c'est tout, hein, je pense. Rapidement, comme ça, ouais. Ouais, c'était. Laisse-moi réfléchir. Oui. Oui. On passe à autre chose, Mathieu. T'as fait le tour du sujet. Donc voilà pour ça, on va passer à notre classique du mardi. C'est toujours ce qu'on fait en début d'émission. Voici Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est la chronique plus ou moins osée pour un public plus ou moins averti. Ce matin. Ça, oui, plus ce matin. J'ai déjà raconté, Mathieu, comment j'aime dormir quand il pleut. C'est vrai, surtout la fin de semaine, hein? Ben oui, parce que la semaine, on peut pas. Ben non. On se lève tôt, hein? Sauf les mercredis, jeudi, dans ton cas. Vendredi. Vendredi aussi. Samedi, dimanche. C'est comme 5 jours par semaine que tu peux te lever tard, toi. Oui. Il y en a des chanceux. Ah oui. Il faut définir tard, par exemple. Ben c'est ça. C'est ça. Quand c'est 7h30, 8h. C'est ça. Pas si tard que ça. Grand matinée. Donc, allons-y, quelques petits faits en rafale. J'en ai pas trouvé beaucoup. D'habitude, il y a plus de faits en rafale que ça. Donc, allons-y. Il y en a comme 5-6. Le dessus du sein est l'endroit le plus sensible du sein. Ben, évidemment, là, on parle du dessus de la boule. D'accord? Après, parce que là, on parle. Le mamelon en tant que tel, ça aurait pu être un dessus de. Ça, ouais. C'est ça, c'est plus sensible, c'est ça. Mais le haut du sein est plus sensible que le dessous du sein. Okay. Le dessous du sein, en tant que tel, pas vraiment très sensible chez la plupart des femmes. Au 16e siècle, on croyait que se toucher, d'accord, commettre une auto-félicitation, T'as-tu vu mes yeux virevoler? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Vers là-bas. Oui. Hop, attends, ça paraît-tu que je suis... mais Mathieu, si tu comprends pas l'affaire que tu viens d'expliquer là, sur les seins, là, tu veux que je fasse un doux sein? Ouais, ouais, fais-moi un doux sein, comme disait Yves Corbeil. Au 16e siècle, on croyait que se toucher, s'auto-féliciter, pouvait te rendre sourd, muet, stupide et causer de l'épilepsie. Et faire sûrement pousser du poil dans les mains comme ben les oui. grands-parents disaient. Ben oui. Puis si tu fais des yeux croches, tu restes pas mieux de même. Fait que si tu fais un, oui, un machin croche, si tu fais une grimace. Ça va rester. Il y a une nouvelle mode, hein, je sais pas si t'as vu passer ça, les after sex selfies. Oui, ben j'ai vu oui. ça passer. Mais je sais pas, j'ai vu ça puis je me suis dit m'en parler, mais apparemment que c'est bien connu. Mais ben j'ai vu passer ça par hasard, je me promenais sur le web là, puis j'ai vu ça. Sur le web, sur la toile. Non, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bizarre. Hein? Ouais. Après le sexe, je sais pas. Ils font des grimaces en plus. On voit le couple ici. Ça va faire des petits câlins grimacés. Oh. Ça va rester pogné de main. Les femmes ont plus de chances que les hommes, en fait, plus de probabilité, selon une étude, de prendre des antidépresseurs. OK. Et apparemment que les antidépresseurs, ça peut nuire à la vie sexuelle. Ah bon. Et il y a plus de femmes qui en prennent que les hommes. Ça veut pas dire qu'ils disent s'ils en prennent. En Chine, à l'époque, en très vieille Chine. En très vieille Chine. Très vieille Chine, en restant de Chine, comme parce on que là, il y a la New China. New China, Chinatown. Oui. Donc, boire du mercure ou du plomb après les relations sexuelles, on croyait que ça allait empêcher la grossesse. Malheureusement, par contre, souvent, ça causait la mort. Tiens. Bah. Pourquoi pas? Ça empêchait la grossesse, Mathieu. C'est ça. L'objectif était atteint. Et voilà, 100% de réussite. Dans tous les cas, il n'y avait pas de grossesse. Oh, ah, c'est malsain. Ouais. Malsain. Oui. Comme un doucin. Si tu peux pas arrêter de penser à quelqu'un, ouais. Hein, ben c'est probablement parce qu'ils sont supposés être là. Hein, parce que donc, si tu penses à cette personne-là, ben, c'est que peut-être que t'es pas en amour avec la personne avec qui que t'es. Peut-être. Maintenant, des faits un petit peu plus en détail. Tiens, les nouvelles mères en Chine, on va revenir en Nouvelle-Chine. Oui, comme on les a nommées tantôt. La Nouvelle-Chine, donc les nouvelles mères en Nouvelle-Chine vont payer de plus en plus pour ce qu'on appelle une lactagogue. Qu'est-ce que la lactagogue? C'est ça, j'allais même pas te le demander, mais tu le suggères toi-même. Lac, hein, c'est facile, de l'eau. OK, oui, excuse-moi. Puis quand il y a beaucoup d'eau, c'est tagogue! Tagogue! Tagogue! Fait qu'il y a beaucoup d'eau. La rivière sort de son nid. Ouais, c'est de tellement son lit. De son lit. Maudit, t'es un bon menteur. Oui. Lactagogue, c'est des professionnels, en fait, qui vont aider à faire sortir le lait de tes seins, le sein de ton lait. C'est un peu bizarre, là. Donc, c'est ça, pour évidemment pouvoir allaiter leur bébé plus tard. Ben, en massant les seins, c'est ce qu'ils font, ces professionnels-là, dans une lactagogue. Ben, c'est là que je m'en allais, Mathieu. C'est là. S'il y en a trop, ça fait un lac. Voilà. Quand ça coule. Puis là, tu fais « Wow, un lac de lait. Tagogue! » Tagogue. Quand tu dis « Je perds mes os. » Ben oui. C'est ça, tu perds ton lait aussi. Tu perds ton lait. Qui perd ses os, perd son lait. C'est ça. Qui perd son lait, perd ses os. C'est Einstein, je pense que c'est. Oui. Donc, un massage de sein de 90 minutes à Shanghai coûte environ 50 $ américains. Environ. Et le massage aide à augmenter les niveaux de l'hormone oxytocine qui est essentielle pour faire couler le lait des seins. Donc, c'est une lactagogue. Eh ben, à voir avec les synagogues et autres. Non. Et autre chose. Et tamagotchi. Ça, c'est une autre sorte de massage, le tamagotchi. Donc, récemment, on a publié une autre étude qui a découvert plusieurs facteurs qui peuvent prédire les chances que ton partenaire va te tromper. OK. Déjà, s'il commence en faisant des tamagogues oui, c'est ça. En massant des fesses de quelqu'un, c'est une bonne affaire. Une mauvaise affaire peut-être pour lui, mais bon. En tout cas, bref, 23% des hommes et 19% des femmes vont tromper. La religion, l'éducation et le statut de bon, conjoint de fait, marié, etc., ne peut pas être utilisé pour prédire de façon efficace si un homme ou une femme va tromper. Donc, c'est les traits de personnalité qu'il faut regarder pour savoir si la personne va tromper ou s'il y a des chances, des probabilités que cette personne-là trompe. Les hommes qui sont des preneurs de risques, qui sont facilement excités ou qui ont des soucis par rapport à leur performance sexuelle ont plus de chances de tromper leur partenaire. Les femmes ont plus de chances de tromper lorsqu'elles ne sont pas satisfaites dans la relation qu'elles ont ou si elles pensent que l'autre personne est sexuellement incompatible avec elles. Mm. C'est chez les femmes. Intéressant. Ouais. Mm-hmm. Incompatible, c'est-tu comme quand il y a deux batteries puis il y a deux plus? Non, comment? Deux plus. Ah, comment? C'est le petit bout qui sort? Oui, oui. donc, on célèbre le 25e anniversaire du magazine pour adultes. Ben, divertissement pour adultes. En fait, excuse-moi. Oui, c'est ça. On célèbre le 25e anniversaire du magazine Video X Pix, qui à l'origine était Distribix Pix. Voilà, c'est difficile à dire. Bref, ils ont annoncé le lancement d'une avancée, d'une poussée technologique dans le domaine du divertissement. Ils ont dit qu'ils vont convertir plus de 200 films pornographiques des années 70, de la fin des années 70, en HD. Ah ouais? Ah ouais. Ils peuvent faire ça? La technologie, elle, pour repartir avec les bandes originales. C'est les bandes! Les bandes. Les bandes originales, c'est une blague de... Donc, de hockey. De hockey, évidemment, c'est ça. Donc, en 1965, armé de très peu de fonds, donc d'argent, Distribipix, ça s'est tombé dur à dur, ce nom-là. Je comprends qu'il a changé de nom. Ben oui, moi aussi, je comprends. Ben là, franchement, a été fondé, bref, en 65. Quelques mois après, la compagnie commençait à distribuer les films les plus profitables pour adultes à l'époque. C'était l'ère des mélodrames sexuels en noir et blanc, avec des titres très, très osés comme Thigh Spy, l'espion des cuisses, c'est un jeu de moi qui Thigh Spy, Lost Weekend, le week-end du désir, Spread Eagles, l'aigle avec les jambes écartées, et Ouija Broad. OK. La compagnie donc a changé de nom depuis ce temps-là pour Videopix. La compagnie veut entreprendre le projet de remasteriser les films cinématographiques, du début et de la fin des années 70, en mettant ça au devant de leur catalogue. Donc, ça va être vraiment très, très en vue pour eux. La priorité à l'origine était de sortir un film classique hardcore des années 70 et 80. Donc, ils ont travaillé là-dessus depuis. Et ça a mené à 200 films qui sont présentement même disponibles en DVD. Peut-être pas en remasterisé, mais au moins, ils sont sortis en DVD. Cool, hein? Les gens achètent encore des DVD de ça. Je veux croire. Et les gens paient encore pour la pornographie en ligne. Si on entend tout le temps commentaire, ben voyons, il n'y a plus personne qui paye pour ça. Depuis que l'Internet, c'est gratuit. Moi, mais désolé, mais c'est un marché extrêmement payant encore aujourd'hui. Eh oui. Les gens ont des besoins spécifiques que l'Internet ne peut pas nécessairement fournir, surtout en termes de vidéos. Peut-être qu'il y a des photos dans le bain gros, mais des vidéos, il faut des professionnels travailler là-dessus, puis ils vont pas donner ça gratuitement. Mais non. C'est comme ça. Il n'y a pas juste ce YouPorn Tube Red District Porn. Je n'ai aucune idée comment ça s'appelle. Ensuite, les gros condos sont... C'est un ami qui m'a parlé de ça. C'est ça, j'ai entendu parler de ça. Fait, j'ai mis les mots ensemble pour avoir l'air d'un... Donc, les gros condos, les très gros condos, sont illégaux en Amérique. Did you know that? Ben oui. Pour pas que les enfants s'étouffent avec. C'est ça, ou les oiseaux, le spread eagle de temps en temps. Selon les règlements de la FDA, la Food and Drugs Administration, c'est illégal aux États-Unis, en Amérique, en fait, de vendre un condom qui a plus de 5,5 pouces de circonférence, girth, c'est qu'on appelle. Ce qui veut dire que la circonférence donc, du pénis d'un homme ne peut pas excéder cette grandeur-là selon ses choix, en tout cas d'achat au moins. Il va pouvoir faire autrement, mais peut-être qu'il n'y aura pas droit à un condom, il faudra qu'il se protège autrement. Donc, comment est-ce que ça affecte la population? Tu me demanderas, mais qui a un pénis de 5,5 pouces de circonférence? Je vais te répondre. 1% des hommes environ, 1 million de personnes, de gars, hein, vraiment. Donc, la plupart des condoms légaux vont être entre 2 et 5 fois trop serrés. Plus que l'homme de la moyenne, l'homme moyen, finalement, ça va être beaucoup plus serré pour eux. Ils vont être capables de le porter, mais ça va leur faire mal parce qu'on a déjà dit qu'on pouvait mettre comme des litres et des litres de liquide dans un condom. Donc, ça va marcher sur l'engin. Sauf c'est que l'anneau. La petite anneau, exactement. Rondelle, c'est un mot qu'on utilise pour autre chose d'habitude que sur un condom. Une rondelle d'oignon. C'est ça. tempura et... dans l'huile et bien chaude. Donc, le problème des grandeurs de condom affecte le taux de bris, finalement, de rupture, si on veut, de ces condoms-là normaux sur les hommes qui ont un engin plus grand que la normale, qui n'arrivent pas à trouver un condom de leur grandeur. Selon un sondage de 1999, chaque centimètre ajouté à la circonférence pénile... Le pourcentile. C'est pénile. C'est pénile. va augmenter le risque de bris du condom entre 50 et 100%. OK. Voilà. Donc, ce règlement-là augmente la possibilité d'une rupture de condom par 200% environ chez des millions d'hommes. Ce qui est bien malheureux. J'ai aucune idée. Ça ne dit absolument pas pourquoi ces condoms-là sont... C'est un détail, je trouve, qui manque à l'article, mais bon... C'est pas sûrement parce que justement 1%, c'est pas très rentable pour les compagnies, mais là on dit que c'est illégal. Oui, c'est ça. C'est différent. C'est différent pas mal, ça. C'est pas ça devient une arme blanche. Ben, tu sais, si tu mets des roches dedans. Ben oui. J'ai mal à la tête, je vais prendre une pénile. Ah, wow. T'es resté stické là-dessus. Ah. Un peu comme ça stick Sandra après que j'ai eu des relations sans cours. Ah, c'est tombé vulgaire, tout ça. Ah, ça. On déraille, hein. Oui, complètement. On va en faire un dernier avant de passer en pause aussi. Hein? Prendre nos esprits. C'est ça, juste un peu. Wellesley, c'est un collège, une école privée pour femmes seulement. D'accord? Donc, il y a une absence flagrante de mâles, de gars. Hein? Mais ça donne lieu à des circonstances extrêmes. Ça permet au développement, un développement particulier chez les femmes, parce qu'évidemment, les filles n'ont pas de gars avec qui avoir des relations, donc peut-être que leur vie adulte commence un petit peu plus tard pour les personnes qui choisissent, en tout cas, bref, de pas aller voir ailleurs, finalement, parce que je dis l'école, c'est comme ça, pas parce que des clôtures que je vais pas sortir. Donc, bref, le désir de grandir personnellement, donc, comment dire, exaucer autrement, c'est qu'il y a un autobus spécial. OK, donc il y a un autobus. Pour 2$, tu achètes un siège sur le Senet Coach. OK, c'est un autobus. C'est une navette qui va amener les étudiants entre Wellesley, l'école dont on parle, et Harvard, MIT et d'autres écoles comme ça, la fin de semaine. Donc l'autobus permet aux étudiantes collégiennes féminines d'aller rencontrer des hommes pendant la fin de semaine. Et ces hommes-là, quand le bus arrive à l'école, ben c'est presque automatique qu'ils vont avoir des relations sexuelles avec ces filles-là. Wow. Donc ils ont surnommé le camion le Fuck Truck. Le Fuck Truck. Tu sais, le fuck truck. C'est-tu un charter? Charter, wow, c'est ouais, celui-là était de trop. Il était de trop. Ça, là. Ouais. Mais par contre, il m'a inspiré le Fuck Truck. Un petit peu de Charlie Foxtrot. Hein? Oh, ah oui, Charlie Foxtrot. Bon, on va entendre la mémoire courte tout de suite. Assemblage requis. C'est comme ça. Oh. Mais félicitations quand même. Félicitations. Auto-félicitations. Laissez ça passer. Oh, oh non! On peut laisser ça passer, mais il faut juste lubrifier un peu avant. Plus de qui c'est à mon retour. Assemblage requis pour toi aujourd'hui! Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Oh, yeah. Oh, yeah. C'est ça que tu voulais. Oh, ouais. J'aime bien ça faire ça, mais c'est tellement d'imiter Danny Janvier. Oui, je sais. J'aime tellement ce moment-là du jeudi. Bon, on aime ça. On imite la bière de la semaine avec la chronique, la bouffe de la semaine les jeudis. Exactement. En fin d'émission. Et Danny, depuis qu'on a commencé à faire ça, imite notre imitation de Danny dans sa chronique. C'est sans fin. C'est ridicule, mais j'adore ça. C'est tellement le fun les jeudis. Oui. Tantôt, une deuxième partie de Kinky, Sexy Time. Mais avant ça, Me and I, The Unknown Color. Ça, c'est fou. 80 FM. Dans tes oreilles. Can you tell me one thing I don't know? Like the road you have taken, which way should I go? Yeah. chance, they must say. I had a good time. Oh, I had a good time. You and I par Unknown Color, Assemblage Requis. Bon matin à vous. Me and I. Me and I. Me and I? Oui. Oui? Oui. Ah, ben, t'as bien raison. T'as bien raison. Me and I, le matin, comme ça, moi et à moi-même. Pour point. C'est ça? Quand t'es tout seul, c'est moi et moi-même. Voilà. Tiens, ce qui nous ramène, parlant de se toucher comme ça, à Kinky Sexy Time. Ah, yeah. C'est juste assez de secondes pour que tu puisses c'était toucher à côté. Donc, c'est Kinky Sexy Time, notre chronique plus ou moins osée pour les gens plus ou moins avertis, bien sûr. On a commencé tantôt avec un paquet de choses super intéressantes. Continuons en détail un paquet, tu vois. On ne peut pas s'en empêcher. On peut pas s'empêcher, on peut pas s'en empêcher. C'est ça. C'est aller plus loin encore, plus profond encore. Ah, donc, on s'enfonce. Selon le US Code Chapter 18, OK, ça c'est la loi, évidemment, l'égalité et tout ça, la légalité, le légal, si on veut. Donc, la définition de ce qu'on considère la pornographie infantile peut aller plus loin encore. Le Photoshop est considéré comme la pornographie dans certains cas. Mais... Donc, la pornographie infantile, selon la loi, ça veut dire qu'on montre donc visuellement, que ce soit en photographie, en film, vidéo, photo, picture et photograph, il me semble que c'est pas mal la même chose, computer or computer-generated image or picture, donc quelque chose de généré par ordinateur, que ce soit fait à partir de matériel électronique, mécanique ou autre, de choses sexuellement explicites, c'est ce que la loi dit. Donc, une image générée par ordinateur ou une photo générée par ordinateur, ou peu importe, donc modifiée, ça veut dire que c'était photoshopper la face d'un bébé sur le corps d'une porn star pendant qu'il est en train de faire ce qu'on appelle du contenu explicite. Tu serais quand même en train de faire la pornographie infantile. Quand même une drôle d'idée. Pas sûr. Le 30 avril 2003, le président George W. Bush a signé la loi Protect Act of 2003, qu'on appelle aussi l'Amber Alert Law. Cette loi-là criminalise le matériel qui montre donc visuellement n'importe quelle sorte de dessin animé, sculpture ou peinture qui montre un mineur en train de faire du contenu sexuellement explicite ou quelque chose d'obscène, qui montre une image, blablabla, ou même si ça a juste l'air d'un mineur et qui a l'air d'être en train de faire des affaires sexuelles, ça va quand même compter. Donc, la loi... rend pas tout ce qui est simulé illégal. On parle seulement de choses qui n'ont pas de valeur scientifique, politique, artistique ou littéraire. Donc, si c'est dans ces critères-là que ça a rapport avec la littérature, le modèle artistique, etc., là, ce sera pas de la pornographie. OK. Et ben, tu peux sculpter des petits chérubins parce que c'est des anges. Si c'est des anges. C'est ça, mais moi... Ouais. Ouais, j'avoue que où est la ligne? Qui juge de ça? C'est une autre chose, un juge, justement. Oui, justement. Faut juger ça. Un groupe de femmes en Colombie refusait d'avoir des relations sexuelles avec des hommes jusqu'à ce que les routes de la ville soient réparées. OK. À partir du 22 juillet 2011, les femmes de la petite ville de Barbacoas, en Colombie, ont débuté ce qu'ils ont appelé plus tard le Cross Legs Movement, le mouvement des jambes croisées. Les femmes de Barbacoas ont décidé d'éviter. Éviter. Je sais pas comment tu fais pour éviter ça. C'est pas quelqu'un sans faire, j'entends. Wow! De balance, c'est vite arrivé. Oui, c'est ça. bref, ont décidé d'éviter les activités sexuelles jusqu'à ce que le gouvernement de la Colombie agisse et rende le Barbacoas, le Barbacoas, on va dire comme ça, plus accessible par des routes. À l'origine, les femmes avaient essayé des grèves de la faim, des manifestations, etc. Il y avait des promesses que tout ça allait être arrangé. Les femmes se sont frustrées parce que ça ne s'arrangeait pas. Elles croyaient que leurs droits humains étaient violés par le gouvernement qui ne fournissait pas de route sécuritaire pour sortir de Barbacoas. C'est ça, okay. On ne pouvait pas sortir, mais ni entrer, j'imagine. Donc, la raison que les femmes voulaient une route plus sécuritaire pour sortir de Barbacoas, c'est parce que la petite ville est localisée dans une région volatile de la Colombie. C'est difficile de recevoir de l'attention médicale. Donc, souvent, les villageois vont mourir plus tôt que prévu, plus tôt qu'ils devraient. Le mouvement des jambes croisées a attiré beaucoup l'attention des médias et 40 millions de pesos ont été donnés pour mettre de l'asphalte sur une route qui mène jusqu'à Barbacoas. Ouais. Donc, félicitations au mouvement des jambes croisées. Maintenant, une qui a plus de difficultés à se croiser les jambes, c'est une poupée gonflable. Hein. Ben oui. Et là, toujours ouvert. Toujours ouvert. Et là, je te vole le punch de l'histoire dès le départ, mais au moins, ça va t'aider à comprendre un petit peu. Donc, un après-midi silencieux, bien calme, à Shanghai, le 3 janvier 2010, un homme de 50 ans essaie de se tuer en sautant du 6e étage de sa bâtisse. Les résidents avaient peur parce qu'ils ont vu un homme tenir une femme entre ses bras et sauter jusqu'au sol. Et la femme a empêché l'homme, dans le fond, a comme un petit peu calmé sa chute, si on veut l'empêcher de se cogner trop fort. Donc, il a survécu à cette mésaventure. Par contre, il était complètement inconscient et les témoins de l'incident ont crié parce que la femme a explosé sous le poids de l'homme. Donc, la femme a explosé. Évidemment, on a compris depuis tantôt que c'était la poupée gonflable. La poupée gonflable. Donc, l'homme qui plus tard a été identifié comme un veuf avec le nom de famille Yang disait que la poupée gonflable était sa seule amie et qu'il voulait s'accrocher à elle jusqu'à sa dernière respiration. Donc, l'homme a dit... Finalement, il l'a fait exploser. Ben, c'est ça. Sa seule amie. Puis lui, il a survécu. T'imagines le double deuil? Oui. Double douille. Oui. En anglais. Double nouille. Double nouille. Donc, l'homme a admis que la raison de sauter était reliée au fait qu'il y avait personne à qui parler, que la vie était trop solitaire pour lui. Il a perdu sa femme il y a plusieurs années. Son fils étudie à l'étranger. Donc, voilà, sa vie est un petit peu pathétique. Oh. Un petit peu. Pauvre lui. Yang, monsieur Yang. Une femme a essayé d'amener une grenade en prison en l'insérant à un endroit... plus ou moins averti. Plus ou moins averti. On peut tous deviner, je pense. Hein? Oui. Dans sa bouche. Oui. Non. Dans sa narine. Ben oui, en fait. Sa narine. Sa narine. Sa narine sale. Oui. Donc, en 2006, une femme de El Salvador a temporairement été détenue après avoir essayé d'amener une grenade de niveau militaire avec un petit peu de marijuana, donc les deux en même temps, dans la prison principale du pays à San Salvador. Elle aurait réussi à s'en sortir si un garde de prison, un gardien, n'avait pas trouvé ça à l'intérieur de son... Donc, la femme Lydia Alvarado, qui essayait de visiter deux prisonniers qui avaient été trouvés coupables de viol, de vol, les deux, là, viol, vol, des fois, oui. C'est un peu confus, et possession d'armes à feu. Donc, on dirait que Lydia Alvarado va aller les rejoindre en prison parce qu'elle a été accusée de possession d'armes illégales et de trafic de drogue. Wow. Les officiers de la prison ont augmenté le niveau de sécurité dans les prisons d'El Salvador. Ils avaient peur que les criminels planifiaient quelque chose de violent avec une grenade. Ben oui, quand même. Quand même. Les gardiens de la prison ont trouvé une grenade M67 qui était en condition fonctionnelle, donc avant que ce soit trop tard, au moins. Tout le monde est sain sauf. Hein. Sauf un petit peu gonflant. Ben oui. Ben c'est ça. Comment il s'en est rendu compte, lui, le petit monsieur? Ouais, je sais pas, peut-être qu'il a marché fesses serrées. Ouais. Je sais pas, aucune idée. Peut-être que c'est routinier aussi de faire le tour des orifices. Ah, ça se peut, ouais. Un ancien sprinteur olympique a été blanchi de tout soupçon par rapport à son niveau de testostérone en disant qu'il y avait beaucoup de relations sexuelles. OK. Donc, Dennis Mitchell, je l'appelle Denis Lamalisse, donc il était un des sprinteurs américains les plus connus des années 90. Il a gagné l'or et l'argent aux Olympiques et respectivement, donc ça, c'était à Barcelone en 92, ça, c'était l'or, et en 96 à Atlanta, ça, c'était l'argent, dans le 4x100 mètres à relais. OK. Voilà. Donc, en 98, Mitchell a été banni de l'International Amateur Athletic Federation, l'IAAF, après avoir testé positivement pour un niveau de testostérone trop élevé. Donc, un niveau élevé de testostérone, artificiellement élevé, c'est un des indicateurs les plus connus pour le dopage, donc par stéroïdes anabolisants. Mitchell est allé en appel au US Track and Field Doping Panel disant que la seule raison pour laquelle son niveau de testostérone était trop élevé, c'était parce que le soir d'avant, donc juste avant le test, il avait bu 6 bouteilles de bière, donc c'était saoulé, et qu'il avait eu une relation avec sa femme 4 fois. OK. Donc il a dit au panel, je cite, c'était la fête de ma femme et elle méritait bien un petit bonbon, hein, un petit cadeau. Un petit bonbon. Donc l'USATF a accepté son explication et a permis à Mitchell de continuer la compétition avec un niveau de testostérone très élevé. OK. Quand même. Quand même. Je sais pas si sont naïfs. Ben, je sais pas. C'est peut-être vrai, tu sais. Peut-être. Si on demandait des preuves à sa femme, si on allait prendre un petit échantillon de son intérieur. Peut-être. On ne sait pas. Montréal. Tu connais la ville de Montréal? Ça me dit quelque chose. C'est au Québec. Parfait. Au Canada. Parfait. Juste à côté de Vancouver, okay, comme disent les Français. Les Français sont sûrs que Vancouver puis Montréal... C'est le même temps d'avion, genre, ça. Pour aller d'un bout à l'autre. Vancouver. Vancouver. Vancouver, faut dire comme ça. Donc, le Canada, évidemment, est une capitale de la pornographie. On sait tous, ça, c'est bien connu, tout le monde sait ça. Moi, je sais pas. Ben oui. J'imagine que vous le saviez. Spécifiquement, le Québec, hein? En fait, et même on dit la ville de Québec, qui est la ville femme fatale du Nord, selon l'article que j'ai ici. Michael Plant, pas mon cousin, je sais pas, j'ai un Michael Plant dans ma famille. Okay. C'est un entrepreneur dans le divertissement pour adultes basé à Québec City, qui a dit à Canadian Press que le boom pornographique de Montréal est naturel parce que les Québécois ont l'esprit ouvert quand on parle d'actes sexuels performés devant une caméra. Ok. Je sais pas ça. Je cite, les filles sont moins gênées de poser nues devant une caméra ou avoir des relations sexuelles devant les caméras comparées aux filles, par exemple, de l'Ontario. Hein? Québec, la province, le Québec, qui était dans le passé un berceau de la religion catholique, qui est maintenant devenu un petit peu moins catholique. Dans les années 50, les Canadiens catholiques disaient qu'ils allaient à la messe du dimanche, pardon, à 83%, comparé à 90% au Québec. En 90, par contre, les pourcentages étaient descendus à 23% et encore plus bas, en bas de 23% au Québec. Donc Montréal, qui est évidemment qu'est-ce que ça dit ici? Qui a tout plein de strip clubs, sex shops, swingers, services d'escorte, plus que n'importe quelle autre province. OK. Ça, je ne savais pas ça, mais vraiment, le Montréal a plus de ça que toutes les autres provinces. Oui. OK. Ben, ça ne m'étonne pas tant que ça. Non. Non. Non. Puis même les joueurs de hockey, ils s'en vantent. Ah oui? Ah oui, ils aiment bien ça venir à Montréal. Oui, ben. Donc, dans les années récentes, la production locale de pornographie, de films pornographiques, amène des millions de dollars à la ville. Voilà. Ensuite, le divorce est toujours illégal dans deux pays. OK. Est-ce que tu veux tenter une devinette? Devinette, chère. Moi? Ouais. Deux pays? Moi. OK. C'est pas en Amérique? Non. C'est en Asie. Il y a une place en Asie dans les deux, oui. OK, oui. Il y a un Asie, puis l'autre, il y a un Asie. Il y a un Asie. Wow. C'est en Asie. Ouais. L'autre va être dans les Europes. Ouais. C'est tout ce qui reste. C'est ça. Pas mal, tu sais, maintenant. Pas mal, ça. Ouais. En Asie, ça va être... Philippines. Oui, je sais pas pourquoi tu l'as eu. Mais je sais pas. c'est le délai, Mathieu. Tu sais, je carbure au délai. Donc, c'est les Philippines et Vatican. La ville Vatican City. Ah, ben oui, Vatican. Qui est considérée comme son propre pays. Vatican City. Ben oui, c'est vrai. Bon, voilà. Ouais. Donc, et les Philippines, t'as toujours pas le droit de te divorcer. Même si chaque autre pays a des critères qui permettent, dans certains cas, de se divorcer, dans certains cas, de ne pas le faire, de ne le permettre pas, finalement. Ce sont les deux qui ne le permettent juste pas. Le Vatican a une population de moins de 1000 personnes, mais évidemment, la doctrine catholique nous force. Ou les forces à ne pas se divorcer. Même s'ils le veulent, ils ne peuvent pas. Aux Philippines, le divorce est illégal pour quelqu'un qui vit à l'intérieur du pays. On peut annuler un mariage dans certaines situations très, très précises, mais ça peut prendre jusqu'à 2 ans pour annuler le mariage et ça peut coûter jusqu'à 1 an de salaire. Bon Dieu! Bon doux, Seigneur! Hein? T'as pas le tu? Bon Dieu! Bon Dieu! Au Vatican, oui, c'est ça. Hop, papa! les petits engins masculins, toi? Ben, pas toi. Non, c'est ça. Merci, oui. Mathieu. Moi, ouais, c'est ça. Puis certainement pas toi. Ben non, hein, franchement, ma réputation me précède d'au moins 2 mètres. Donc, est-ce que tu as déjà remarqué les petites, ben pas les petites, mais les statues en Grèce antique, tu sais, les statues qui datent de cette époque-là, vraiment très, très vieilles statues, sont équipées de très petits engins masculins, tu as sûrement vu ça? Oui. Aussi, l'art de la Renaissance, à l'époque de la Renaissance, il y avait des hommes avec des très, très petits engins, même anormalement petits. En fait, du coup, c'est que le petit pénis, à un certain point, était considéré attirant. Ah! Plus attirant qu'un gros. C'était mignon. C'était mignon. Exactement ça. Et les gros engins étaient considérés comme dégoûtants et étaient souvent associés avec les vieux monsieur et les barbares. Et souvent, la circoncision était aussi considérée comme grotesque. Ah ben. Pour les Grecs antiques, qu'est-ce qu'on dit antique? La Grèce antique. Grèce antique. Je cite, le pénis idéal était petit, mince et couvert d'une longue peau. Donc, ça, c'est évidemment avant la circoncision. L'équipement du mâle immature était particulièrement admiré. Je continue la citation ici. Ce qui pourrait... c'est pour ça qu'on ne voit pas de poils non plus. C'était pas quelque chose qu'on cherchait du tout. Donc, les poils, la grosseur et la peau coupée, c'était tout apprécié. Les caractéristiques masculines les plus désirables étaient quand même similaires à ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les corps attirants, typiquement attirants. En Grèce antique, un homme attirant avait une poitrine bien sortie, les épaules très larges, une très petite langue, okay, une peau très brillante, bright, lumineuse, des fesses fortes, solides, et un petit... petit engin. Petit zouiki. Ouais. Eh bien, c'est quelque chose. Les temps changent. Les temps changent. On pourrait faire une chanson avec ça. Et finalement, tiens, une religion. Une religion où le mari doit dire un mot 3 fois et le divorce va être absolument irrévocable. OK. Le processus s'appelle le talaq, T-A-L-A-Q. Un mari musulman peut initialiser un divorce en disant talaq, ce qui veut dire « je te divorce ». C'est la formule de répudiation, donc tu l'as dit une fois, et ça veut dire « je te divorce ». Les deux premières fois, on peut le retirer. Okay. On peut dire « je le pensais pas ». Annule ça, c'est oublie ça. Par contre, la troisième fois qu'on le prononce, le divorce est complètement irrévocable. Les femmes n'ont pas les mêmes pouvoirs que les hommes. Je pense que ça, on est un petit peu au courant. Mm-hmm. Mais quand même, ils peuvent quand même se sortir du mariage. Lorsqu'une femme initie la procédure, ça s'appelle un kula. K-H-U-L-A, qui a aussi l'air d'une excellente boisson, je pense. La kula. Selon la loi sharia, ça c'est la loi musulmane, ou quelque chose comme ça, je connais pas les détails, mais quand même. Il y a deux raisons pour une femme de vouloir se divorcer. Qui sont valables. Ça compte juste pas. Quand elle peut prouver que son mari n'a pas eu de relation sexuelle avec elle depuis plus de deux mois. Et si le mari ne lui fournit pas ce dont elle a besoin pour vivre, par exemple la nourriture et un toit. Okay? Donc, c'est les deux seules raisons valables pour le kula. Après avoir complété la procédure du talaq, on revient à l'homme. Le couple est divorcé et le mari n'est plus responsable pour les dépenses de sa femme, alors que quand ils sont mariés, c'est le mari qui est responsable de toutes les responsabilités financières et autres sexuelles à moins de deux mois d'intervalle. Eh ben, je sais pas s'il se planifie à chaque exactement ben oui, deux mois. Ça. Le premier de chaque deux Au mois. Au 59 jours. C'est ça. Bang! Bang! Ça m'appelle un gag, ça. Bang! Oui, c'est vrai. Pendant mille fois. voilà pour Kinky Sexy Time. Ah, ouais. Nous voilà bien instruits. Mais évidemment, toutes les sources sur assemblagerequis.com, je le dis jamais assez, en fait, je le dis rarement, mais assemblagerequis.com, tous les liens sont là de tous les faits. Vous avez, il y a un petit lien source en bas de chaque article pour aller vous renseigner. Pour les balado-diffusion et les notes de l'émission. Voilà. C'est comme un réflexe. Comme la fin de l'émission tout le temps. Oui. C'est FCA, assemblagerequis.com, Facebook, Twitter. Name it. Splash Face. Flurk. Flurk. Comment? Flurk. C'est quoi, flurk? C'est ça, flurk? Ben, je pense que j'ai commencé à dire ça, le flurk. Flurk. Flurk. D'accord. Donc, on fait Kinky Sexy Time les mardis. Ah, okay. Maintenant, vous êtes toujours dans notre émission matinale en pièces détachées. Rien n'a changé. Tout est pareil à tantôt. On a le temps pour un petit peu de musique avant de passer à la prochaine chronique. Tantôt, on va faire son foutu palmarès. Ça, c'est la chronique de liste. Mm-hmm. J'ai même que je peux t'agacer un peu. Par exemple, on va parler de 7 choses qui n'ont pas de prix que les gens ont vendu sur eBay. OK. Intéressant, on va faire ça. Et celui qu'on devait faire hier, les propriétés les plus chères, les plus dispendieuses, dans 11 éditions spéciales du jeu Monopoly. Oui. Oui. Mais avant ça, on écoute de Darcy's, voici Horses Fell. Sur Sifu. Ah ouais, mon étalon. Je t'écris ça. Oh, The Darcy's The Horses Fell à Assemblage Rocky. Tick it up, away. On dirait une chanson de Noël. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Pourquoi j'ai fait ça. Mathieu, je m'excuse. Hey, c'est pas parce qu'il pleut que c'est Noël, ça, c'est la neige, Noël. Ben oui, c'est ça. Ouais, je sais plus. Moi. Je sais plus. C'est pas grave. Quelqu'un qu'on célèbre comme un personnage mythique, comme le Père Noël, c'est David Ferron. Oui. Et on l'accueille, mais d'outre-tombe, avec une demande spéciale. Voici une version express de La langue dans ton oreille. Juste une excuse pour jouer l'intro. Oui. Yahoo! Wow! Oh! Il est commandité par Yahoo! Ah, c'est Yeo! Yeo! La langue dans ton oreille. Shake it all out par Congo punk avec un cul à la fin. C'est dans la chronique Quelle langue dans ton oreille express, presque, dans le fond, oui. Vraiment, mais c'est qui j'ai pas l'intro de brancher le monde, que voulez-vous. Donc, c'est David Ferron qui nous a envoyé un petit message, une genre de semi-carte postale, mais plus un timbre, on dirait. C'est comme ça, un timbre dans la main. Un timbre. C'est qui est timbré. Donc, voici, je cite, voici une suggestion de chanson festive, tune pop minimaliste avec cœur africain. C'est festif et ça rentre dans la tête, peut-être. Allez-vous l'aimer? Si vous pensez la jouer, alors c'est moi. Je vais le savoir, puis j'aime ça. Il va pouvoir la faire monter dans son palmarès de Brancher le Monde, qui est le dimanche soir, entre 17 et 19 h. Ici même, assez fou. On salue David Ferron. Oui, merci de nous écouter. Ben oui, merci. Merci d'être là pour nous, comme on est là pour toi. Voilà. Tous ensemble. Ah, c'est beau. Au retour, son foutu palmarès. Parfait. Et plus tard, Alexandra Carignan. Restez. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Hey. Bonjour, vous êtes toujours à l'Assemblage requis en ce mardi 15 avril 2014. Il est Jean-Philippe Chabonneau. Il est Mathieu Plante. On a fait l'erreur pendant la chanson tantôt de David Ferron de prendre une photo avec Front Back. C'est l'application qui permet de prendre deux photos à la fois, une avec la caméra avant et une avec la caméra arrière. Et ça a donné sûrement une des pires photos que j'ai vues de ma vie. Donc j'aimerais ça qu'on en prenne une autre meilleure que ça. Ah ouais? Hein, live là? Peut-être de loin, mettons. Ok, ouais, attends, je suis prêt. Attends, tu te chasses une mou, genre moumou? Ouais, t'as un peu. Ouais, là, fais de mou. Moumou? Moumou? Je pense pas que ça marche, ça. Moi aussi, je vais en faire une. Mouh! Non, c'est vraiment nul. Oh. C'est pas beau. Mais là... Ça marche pas, ça. En tout cas, je la passe pareil. Bon, ouais. Ça va être meilleur que l'autre d'avant. OK. Tantôt, son foutu palmarès. Oui. Ça te va? On met ça sur Assemblage requis en passant la photo, pour ceux qui suivent pas. Uh-huh. Mais avant ça, Alexandre Desilets. Voici Perles rares. Comme ces photos-là, toutes des perles rares. Allumé dans la nuit blanche qui balaye les fonds. Pour un bout de liberté, ma perle rare, tu cours après le plomb. Et toujours au nom de l'amour, tu es à te laisser couler, emporté par le charme, les mélodrames d'une vie inventée. On te promet le monde, mais tu vaux mieux que ça. Mille raisons, t'en prie, écoute-moi. Ah, ah, Pierre Lerard, Alexandre Desilets. Oui, monsieur. Pierre Lapointe, 2014. tu l'imitais comme tu imitais Pierre Lapointe. c'est exactement comme ça, ça sonne Pierre Lapointe. Ben oui, Pierre Lapointe, Alexandre Desilets, Jean-Philippe Charbonneau, même qu'on va. C'est une liste de gens qui chantent exactement pareil. Oui. Comme dans son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès. Oui, la chronique, on établit une liste sur un sujet. Et Jean-Philippe, aujourd'hui, je te renseigne sur le top des jeux de Monopoly et leurs cases les plus particulièrement dispendieuses. Oui, j'aime ça. C'est le fun, hein? Tu sais évidemment que les espaces sur le Monopoly d'origine étaient basés sur Atlantic City. Oui. Tu savais ça? Moi, je savais pas ça. Atlantic City, ben, les casinos. J'ai déjà entendu, mais je m'en souvenais pas vraiment. D'accord. Donc, le Boardwalk et Park Place ont symbolisé avec le temps les endroits les plus chers sur la planche. Depuis ce temps-là, Parker Brothers et plus tard Hasbro ont commencé à vendre la licence du jeu pour faire des versions alternatives. Il y a eu des centaines de versions de Monopoly. Ils ont tous dû choisir leur propre Boardwalk et Park Place. Évidemment. Si c'est une ville qui est le sujet du jeu, ben souvent ça va correspondre aux intersections les plus fancy, les plus glamour. Si c'est un pays, on va souvent choisir les villes les plus puissantes, mais les éditions Monopoly couvrent vraiment plus que juste de la géographie. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant dans chaque domaine, on va regarder le top 11. Commençons avec l'édition .com. OK. L'édition .com, début des années 2000. Donc, en fait, en 2000, juste avant la fin du dot-com boom qui a fait chuter en bourse tous les sites web du monde. Hasbro a publié, a édité la version .com de Monopoly. Boardwalk est devenu Yahoo, qui coûtait 400 millions de dollars dans cette version-là. Et Park Place est devenu Excite at Home, un site qui, depuis, est vraiment disparu. En tout cas... De la popularité. Mettons, Excite at Home, qui coûtait 350 millions. C'était ça. Ensuite, l'émission pour enfants, Phineas and Ferb, qui joue à la télé sur le dessin animé avec des gens avec des grosses têtes là, triangulaires. Bref, la propriété la plus chère, c'était la cour arrière de Phineas and Ferb. Hein? Et le Tri-State Area, donc ça, c'est l'endroit où l'émission se passe aux États-Unis. Ah ben. L'édition, je savais pas qu'il avait fait autant de... Oh. Avec une émission. Il y a une version Mario Bros aussi. Hein. Ah, mais ça, c'est chouette. Ça, c'est cool. L'édition 25e anniversaire d'Elvis Presley. Évidemment, Graceland est devenue la place la plus chère pour représenter Boardwalk. Et numéro 2, Viva Las Vegas, baby! Yeah! Et ouais. L'édition Parcs Nationaux. Américain. Donc la CEPAC. La CEPAC. Concours de photos. Donc, comment déterminer la valeur d'un parc national? Eh bien, Yellowstone et Yosemite sont les Boardwalk et Park Place de cette version-là. Bien sûr, de très, très grands parcs, très populaires. Voilà, donc, ça, c'est l'édition Parcs Nationaux. L'édition Bass Fishing, donc l'édition pêche. Bass, c'est quelle sorte de poisson? Je sais pas trop. Je sais pas, hein? Mais bref, c'est Lake Fork et Lake Champlain. Lac Champlain, Lac Fork, qui sont devenus les deux les plus chers. L'édition Seinfeld. Ah, l'émission qui parle de rien et de tout en même temps. C'est du bar. Comment? Le petit café, tu parles? Non, non. Le poisson, du bar. Ah, du bar? Ouais. La basse? Ouais. Ah ben, ça, je savais pas ça. Dans Seinfeld, c'est l'appartement de Jerry et le restaurant Monk qui sont le centre du monde de Seinfeld. Ensuite, l'édition My Little Pony, la petite pouliche. Oui, l'amitié, c'est magique, comme dit l'émission. Mais c'est pas assez pour payer le jeu. Donc, c'est Centerlot et Crystal Empire qui sont deux endroits dans l'émission. L'édition South Park, Cartman Land et Imagination Land sont les deux espaces. OK. L'édition Christmas Story. Ça, c'est le conte, l'émission de... Pas l'émission, le film du temps des fêtes, de Noël. Donc, les propriétés sont quand même des objets importants du film. Le Frozen Flagpole. OK, une barre de savon. Et un habit de lapin blanc. Mais j'ai pas vu le film, donc... mais au sommet, c'est le BB Gun et Leg Lamp, une lampe avec une jambe. OK. Mais j'ai pas vu Christmas Story. Non, moi non plus. Kissopoly, la version Kiss, qui, elle, porte même pas le logo de Monopoly. Oui, t'as fait des baisers. Il y a même pas de logo de Monopoly. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait pas le droit ou qu'il a juste fallu qu'il imite le concept sans voler la marque de commerce. Mais quand même, c'est le Kiss Platinum Gold Box 7 qui est au sommet et le Japanese Vinyl Box 7. Donc, vraiment, les emballages cadeaux de tous les CD de Kiss. C'est de l'autopromotion. Oui, quand même. Vraiment. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est... Ça doit être eux qui ont fait. Ah ouais, on fait ça. On se met nous-mêmes avec notre Box 7 dans les places les plus connues. Ensuite, le Monopoly Here and Now World Edition. Hein, pour l'édition mondiale de Monopoly. Il faut donc avoir les endroits les plus qui ont le plus de valeur dans le monde au complet. Hasbro a donc décidé de laisser le monde décider par lui-même. Ils ont fait un vote international en 2008 pour déterminer quelle ville serait inclue sur la planche. On se rappelle, on a parlé de ce concours-là énormément à ce moment-là. Pas ici, mais ailleurs. Partout. Partout, c'est ça exactement. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé aussi. Donc, c'est devenu Montréal, au Canada, tout à fait, au Québec, et Riga, en Latvie, les deux villes qui ont obtenu le plus de votes. Ils sont devenus donc les Boardwalk et Park Place du monde. Voilà pour ce palmarès-là. Génial. C'est le fun. J'ai le goût d'y jouer. Anodin complètement. Oui, moi aussi, ça donne envie de jouer sans jamais suivre les règles, comme toujours. Ouais. Sans finir la partie. Sans finir la partie. J'avoue que la banque électronique a l'air cool. J'aimerais ça essayer ça. Je l'ai essayé une fois. Mais j'aime ça, séparer l'argent. J'aime ça être le banquier dans Monopoly. Ah, je sais pas. C'est vraiment. C'est différent. Ça continue d'exister au pire, je veux dire. C'est pas comme s'il forçait à utiliser la carte de crédit. donc voilà pour ce palmarès. On va en faire d'autres tantôt. Tantôt. Très bientôt, en fait, on a le top des objets qui n'ont pas de valeur tellement ils valent de l'argent qui ont été vendus sur eBay. Avant ça, par contre, une petite pièce de Tokyo Police Club, je la fais jouer souvent parce que j'aimerais ça qu'elle monte vraiment loin au sommet du palmarès. Donc voici Tokyo Police Club et Miserable sur C'est Fou. I wanna travel to the future again. I wanna travel to the future. I wanna travel to the future again. I heard about it from a friend of a friend. Tokyo Police Club avec Miserable. Donc, c'est toujours son foutu palmarès. On a commencé tantôt. Il nous reste encore quelques petits tops. On va y aller avec le top des objets en fait qui n'ont pas de valeur, mais qui ont été vendus sur eBay pour de gros montants. Okay. Des objets qu'on ne peut pas vraiment estimer leur valeur à moins d'être vraiment professionnel. Bref, depuis la fondation du site en 1995, plus de 3 milliards d'articles ont été vendus via eBay. Et le site d'enchères en ligne représente le capitalisme à son plus bizarre, nous dit mentalfloss.com. Parmi les objets qui ont été vendus, il y a entre autres une des lettres écrites à la main par Albert Einstein. qui a été vendu, le prix de départ était de 3 millions et on s'est rendu jusqu'à 3 100 000. OK. Attends, est-ce que c'est ça? 3 millions 100 dollars, exactement ça. Wow. Ouais. Donc, en 1954, le grand physicien a écrit une lettre à propos du philosophe juif Erich Gutkein, dans laquelle il défendait ses opinions sur l'éthique, la religion et la nature humaine. Presque 6 décennies plus tard, ça a causé une sensation dans les médias en se présentant sur eBay, cette lettre-là. Quelqu'un l'a mis aux enchères. La pancarte originale d'Hollywood... OK. Prix de départ, 300 000 $, vendu pour 450 400 $. Quand même pas pire augmentation. Le gars qui a vendu ça, le précédent propriétaire de la pancarte, a dit « J'espère que le gagnant a des plans vraiment excitants pour cette pancarte-là. » C'est Dan Bliss qui l'a mis sur eBay. Construite en 1923 comme gimmick total pour vendre des maisons. On a parlé un petit peu avec Véronique Mire, c'était la semaine passée, je crois. Donc, les grosses lettres Hollywood, qui étaient vues sur une montagne à Los Angeles, a été remplacée par un groupe plus récent en 1978, un groupe de lettres plus récent. L'ancienne pancarte a donc trouvé sa maison après avoir été mise aux enchères en 2005. Eh ben. Un bout de la planète Mars. Prix de départ, 450 000 $. Prix de vente, 450 000 $ aussi. Mais ça a été vendu. Ça a été vendu. Qu'est-ce qu'un météorite martien, nous demande-t-on? C'est un morceau de roche qui a été formé sur la planète rouge. Donc, qui a été coupé ou, si on veut, haché ou, bref, foncé dedans et fait une miette par un astéroïde ou encore l'impact d'une comète. Et ça a réussi à atterrir, donc, le résultat sur Terre. Hein? On peut imaginer que les chances que ça arrive sont assez rares, même astronomiques. En fait, plus de 60 000 météorites ou spécimens de météorites sont connus par la science. Seulement 132 viennent de Mars. Un fragment a été mis aux enchères, donc, en 2003. Ah, oh ben, intéressant. Bon. Une nouvelle espèce d'étoile de mer. Sea Urchin. Prix de départ, 9,50 $, vendu pour 138 $. OK. Quand même. C'est ça. C'est couleur crème et mauve. Le Coelopleurus exquisitus. Hein? Est un animal, évidemment, les étoiles de mer, les animaux, on ben sait oui. Ça. Incroyablement, les biologistes marins ne l'ont pas découvert en explorant la mer. À la place, ils l'ont trouvé sur eBay. Simon Copper du Natural History Museum de Londres et un collègue ont déterminé que ce spécimen-là vendu ici était un modèle de collection. Et ça venait d'une espèce qui était précédemment inconnue par la science. Donc, ça a fait avancer un petit peu la science. Mais sur eBay. Mais sur eBay, voilà, il n'y a rien de mal là-dedans. Le village de Prataricia. En Toscanie. Toscanie, tu connais ça? Prix de départ, 5 millions. Vendu pour 3,1 millions, donc moins que le prix de départ. Toi, c'est un petit peu honteux. Localisé à 22 000 à l'est de Florence, Prataricia a 25 maisons sur 20 acres de terre. Les propriétaires de cet endroit-là à Prataricia, selon le maire d'une ville voisine, et je cite, ont essayé et n'ont pas réussi à vendre le village par une agence pendant plusieurs années, mais ils ont reçu de l'attention en mettant le village sur eBay. Ah ben. Et cette nouvelle tactique-là, finalement, a payé, mais pas autant qu'ils voulaient. Ils ont reçu 1,9 million de moins que leur prix d'origine. Ah ben, ils ont vendu. Au moins. La ville de Bridgeville, en Californie. Ouais. Vendre des villes, c'était la mode. Prix de départ, 759 000 $ et vendu deux fois. Donc, on vous explique dans le texte. Je cite, « Vous recevez une ville complète, une ville fonctionnelle. » Ça, c'était en 2002 qu'il disait ça. « Avec magasins, ateliers de bois, plomberie, gaz, électrique. Et avec un peu de développement, Bridgeville pourrait devenir une force économique avec le potentiel de générer beaucoup d'argent pour vous. » Donc, le plus haut miseur... Sur eBay, elle a même gagné son propre code postal, zip code américain, 95526. C'est catchy en plus, 95526. Ouais, ouais. Un homme d'affaires anonyme a été le gagnant, finalement, en mettant 1,77 million, mais s'est retiré parce que... C'est son enfant qui a bêté. Qui a bêté. Non, ça aurait été très drôle. Non, c'est qu'il a visité la ville. OK. Et il a trouvé ça un petit peu désolant. Un petit peu genre miteux, trop. Donc, la ville a trouvé un nouvel acheteur cette même année-là qui a finalement revendu ça sur eBay en 2006 pour 1,25 million de dollars. Et depuis ce temps-là, ça a changé de main encore une autre fois, mais sans l'aide de eBay. Donc, c'est vraiment, tu sais, sur eBay, ça a été revendu, acheté, revendu. La poisse. La poisse. Oh, wow, ce mot-là. Hein? Et finalement, dans le top des objets ou choses ou même idées, dans ce cas-ci, vendues sur eBay pour des prix ridicules, mais des choses qui ne se vendraient pas, qui n'ont pas de prix, on parle de la définition de la vie. Que veut dire la vie? The meaning of life. Prix de départ, 1 cent, vendu pour 3,26 $. OK. Donc, quelqu'un en Caroline du Nord a décidé de rendre hommage à Monty Python et The meaning of life en 2000. Il a dit, je cite, « J'ai découvert la raison de l'existence même et je serais heureux de partager cette information avec le plus haut miseur. » Depuis ce temps-là, ni l'acheteur ni le vendeur ont révélé qui ils étaient. Ouais, avec le contenu de la révélation et tout ça. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on sait que l'acheteur existe, et le vendeur aussi. Et bonus, pourquoi est-ce qu'on fait un top 7 s'il y a 8 positions avec un bonus? C'est pas aussi faire un top 8, mais bon. Une statue de la Grèce antique. On a parlé dans une chronique précédente, King Sexy Time, de petits engins masculins. Donc, prix de départ, 500 000 $. J'imagine que la raison pour laquelle c'est pas dans le top en tant que tel, c'est que ça n'a pas été vendu. Ah, finalement. C'est ça. Mais donc, c'est cocasse. C'est cocasse quand même. Une statue d'une demi-tonne, anatomiquement correcte. Voilà. Donc, en faisant un petit peu de nage près de Gaza, pêcheur palestinien, Joudatabou Grub. Aucune idée comment prononcer ça, mais quand même, félicitations à lui pour ce nom. Donc, a vu cet étrange objet sur le plancher de l'océan, imbriqué dans le sol. C'était finalement une statue vieille de 2500 ans, montrant le dieu grec Apollo. Ah ben, ça n'a pas été vendu. Et son manque flagrant de sous-vêtements laissait aucune place à l'imagination parce qu'on voyait complètement son engin. Et donc, évidemment, la mère de M. Grub n'a pas aimé ça quand il a ramené ça à la maison. Hein? Les autorités locales ont rapidement saisi la trouvaille et très peu de temps après, on l'a offert en vente sur eBay. Avant de le retirer à la demande de certains archéologistes. OK. Archéologues. Ah, OK, oui, c'est ça. Ça n'a pas été vendu, mais ça a dû être donné, j'imagine. Peut-être à un musée, quelque chose comme ça. Bon. Voilà pour le top eBay. Maintenant, transitionnons dès maintenant, rapidement, sans aucun flafla, au top des expériences les plus bizarres qu'on peut avoir au Canada. OK. Est-ce que tu connais le pays, le Canada? Je connais, oui. Il y a Vancouver. Oui, c'est ça, à l'intérieur. À l'intérieur, et Montréal, je pense. Montréal. Bref, les choses sont bizarres des fois au Canada. Ça peut arriver. Donc, le top des expériences les plus bizarres qu'on peut vivre. Le Sour Toe Cocktail, pour commencer. C'est à Dawson City, au Downtown Hotel, au Yukon, qui sert un cocktail avec un orteil humain coupé. Yeah. Ouais. Donc, ils ont acheté ce drink-là au menu dans les années 70. Plus de 60 000 personnes ont joint ce qu'on appelle le Sour Toe Cocktail Club. Préservé dans un pot avec du sel. Comment est-ce que t'appelles ça? Dégalasse. Ils sont lâchés donc dans un verre de bourbon local et qui donc évidemment doit avoir des petites notes de pied quelque part là-dedans. Mais tu te bois très rapidement, tu te bois très lentement. Comme tu veux, il y a plusieurs façons de le faire, mais tes lèvres doivent toucher à cet orteil-là. Et on essaie de ne pas l'avaler comme certaines personnes font des fois. Sinon, tu payes. Combien tu payes? Pour l'orteil manquant? L'orteil que tu avalerais? Je sais pas. 2500 $. Oh! Le but, c'est qu'on réutilise les orteils à chaque fois. Tu comprends? Ben, ils sont lavés. Hein, ils sont ben oui. Désinfectés et tout. J'imagine, je leur prête des tendances que peut-être qu'ils lavent pas partout, puis c'est ça le but de la chose, j'en ai aucune idée. Maintenant, le Cryotherapy Cold Sauna. Un sauna froid, toi. C'est te geler presque à la mort. Ça a plusieurs avantages médicaux. C'est bon pour les muscles, les douleurs aux muscles, musculaires, l'arthrite, l'imbalance hormonale et l'appréciation de la survie, bien sûr. Ben oui. Donc, Sparkling Hill, c'est un spa resort en Colombie-Britannique. C'est là où Vancouver est situé, d'ailleurs. D'ailleurs. Les Français, pour ceux qui veulent savoir où est Vancouver. Donc, l'intérieur de ce spa-là, de ce spa resort-là, offre le seul et unique sauna froid en Amérique du Nord. Tu portes rien que ton maillot de bain, des gants et des petites bottes. Ok, et tu passes 3 minutes dans une petite salle, une petite pièce surveillée à 166 degrés Fahrenheit. Est-ce que tu peux me trouver 166 degrés Fahrenheit en Celsius, oui, s'il te plaît? 7 minutes à cette température-là pourrait te tuer, mais le système de spa haute technologique ne devrait te donner aucune raison de t'en faire avec ça. C'est bien surveillé, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Il y a des dangers si tu restes trop longtemps, mais il y a une alarme et des gens sur place pour te le dire. Là, avec leur iPhone, sûrement. Allez, hop, hop, hop. 166 degrés Fahrenheit? C'est moins 166. Ah, moins. J'ai peut-être mal exprimé tantôt, mais bon. Moins 166 degrés Fahrenheit. Là, il capote. Parce que le moins, il fait juste comme... Ah non, il soustrait. Oui. C'est ça, non, j'avoue que ça, c'est difficile dans ce cas-là, mais c'est pas grave. On s'entend que c'est frais, tant que maudit. Le Narcisse Snake Dance. C'est des serpents australiens venimeux qui vont t'attaquer si tu fais juste les regarder. Mais les serpents canadiens sont sûrement plus polis que les autres. Ah bah oui, dit l'article. Hein? c'est bon pour ceux qui visitent les Narcisse Dance du Manitoba. La plus grande concentration de serpents partout dans le monde. Chaque printemps, des dizaines de milliers de ces serpents-là sortent pour vraiment s'accoupler. C'est le mating ritual, donc on va s'accoupler. On peut les prendre, leur dire bonjour, Hein? Mais il faut être gentil avec eux et faire attention où on marche. Ah, bah voilà. Expérience à vivre. Mathieu, j'ai réussi à le trouver. Ah, moins 166 Fahrenheit, ça fait moins 110 degrés Celsius. Génial. C'est vraiment froid. Je ne peux même pas m'imaginer un froid comme celui-là. Ah, je sais pas. Il faisait moins 50, il me semble. On a frôlé le moins 50 cet hiver. Puis, Mais moi qui n'ai pas un grand connaisseur, et je vais avouer mon manque d'intelligence là-dessus, là. Mais est-ce que moins 100, est-ce que c'est littéralement deux fois plus froid que moins 50? Ou est-ce que c'est relatif et exponentiel? Non, c'est deux fois. C'est vraiment deux fois plus froid? D'accord. Maintenant, on passe au Haunted Prison Hotel. Et puis non, l'eau ne boue pas à moins 100 degrés Celsius. Mais le contraire de bouillir, genre. Les vieux, ils bouent, comme dirait Catherine Leduc. Donc, le Haunted Prison Hotel, numéro 4 des expériences les plus bizarres qu'on peut vivre au Canada. Pendant plus d'un siècle, le Carlton County Jail de Ottawa a incarcéré les vilains les plus célèbres de la ville. Reconnu pour son insalubrité, sa brutalité, la prison a finalement été fermée en 1972 à cause des conditions inhumaines qu'on offrait là-bas. L'année suivante, ça a réouvert en tant qu'hôtel auberge de jeunesse. Tu sais, les Youth Hostels, oui. Les auberges de jeunesse. Et depuis ce temps-là, ben, ça boucle des voyageurs à petit budget depuis ce temps-là. Tu peux prendre, faire la petite tournée, le tour de ce Death Row. Donc, le Death Row, c'est là où les gens vont marcher jusqu'à leur mort. Là. C'est un nom en français, mais je l'oublie tout le temps. La route de la mort. La route de la mort. La route de la mort. Oui, c'est la route de la mort. Donc, avant de te rendre jusqu'à ta cellule, où tu vas pouvoir aller passer la nuit dans ton auberge de jeunesse. Et puis, c'est ça. Bon. Ensuite, le Not Since Moses Run. Ça veut dire quoi, ça? Moses. C'est en Nouvelle-Écosse. À la baie de Fundy. Tu connais la baie de Fundy? On a étudié ça au primaire, au secondaire, je pense. Donc, en Nouvelle-Écosse, qui a les plus hautes marées du monde, avec l'eau qui peut se rendre jusqu'à 50 pieds de hauteur, parfait pour une course sur le lit de la mer, en compétition non seulement contre d'autres coureurs, mais aussi contre 100 milliards de tonnes d'eau qui va revenir plus tard. Hein? Voilà. Donc, c'était depuis Moïse, évidemment, qui avait séparé les océans, selon la grande mésaventure biblique, le roman préféré de tous. Donc, évidemment, la terre du milieu, on voyait la terre du milieu comme dans le Seigneur des Agneaux. j'ai failli dire le Seigneur des Agneaux, comme toujours. Oh. Je me trompe tout le temps. Mais bref, quand il avait séparé les eaux, il y avait la terre dans le milieu. Et donc, on fait un peu comme Moïse en marchant sur la terre, alors que l'eau est occupée, des deux côtés. Est mise de côté. Voilà, bravo. Évidemment, on célèbre avec des barbecues et des bières froides. Ensuite, la mer morte du Canada. Savais-tu qu'il y avait une mer morte au Canada? Non, je ne savais pas. Ben, il y en a une. Les touristes vont flotter sans effort dans l'eau, 8 fois plus salée que l'océan. Il y a très peu de personnes à l'extérieur de la Saskatchewan qui connaissent l'équivalent nord-américain. Donc, on l'appelle Little Manitou Lake. Dans ce lac-là, l'eau est 3 fois plus salée que l'océan. Donc, évidemment, c'est la mer morte dont on a parlé au tout début de ce paragraphe-là, 8 fois plus salée, c'était aux États-Unis. L'équivalent canadien, c'est Little Manitou Lake, qui, elle, est 3 fois plus salée que l'océan normal. Assez pour lire le journal pendant que tu te trempes. Eh bien, quand même. Quand même. Et beau paysage autour de ça, en plus. Donc, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Ensuite, d'autres expériences au Canada, des expériences particulières, c'est le Hilai ou Heli Yoga Class. Ah. Si t'es tanné de faire des leçons de yoga, des cours de yoga normal dans une classe, c'est un petit peu plate. Ici, tu peux avoir, grâce à un vol en hélicoptère, un professeur de yoga et un naturiste vont te mener au sommet des Rocheuses. Okay. Tu pourrais te rendre à pied, mais on te mène en hélicoptère et tu peux aller faire la pose de l'arbre en haut. Oui, des Rocheuses. En hélicoptère. Wow. Ça, c'est relaxant. Ça. C'est vraiment le fun. Ensuite, The Magdalene Island Cave Bash. Donc, c'est une activité au Québec, dans les îles Magdalen, qu'on appelle le Cave Swimming. Je connais pas les îles Magdalen. Je sais pas si ça a un nom. Je crois, et là, j'y vais par ma connaissance, ma culture populaire, ma culture de tous les jours. Je crois que Magdalen, en anglais, est l'équivalent de Madeleine en français. Donc, je crois qu'on parle des îles de la Magdalen. Ah! Je crois, mais je suis pas certain. Je suis pas mal sûr, par contre. Donc, tu mets un habit, un habit d'homme grenouille, etc. Tu sautes dans ces caves-là, dans l'Atlantique, qui est complètement gelé. Et tu visites ça, puis c'est super beau. Ouais. Il y a des vagues qui te cognent un petit peu partout, apparemment. C'est ce que j'en crois, selon les photos. Voilà. T'as le Salmon Snorkel. Donc, les saumons qui migrent à chaque année sont parmi les merveilles de la côte ouest, de la côte pacifique. Et pour apprécier ça, tu peux aller en dessous de l'eau, dans la Campbell River, sur l'île, sur Vancouver Island. Vancouver. Donc tu flottes contre le, non, avec le courant, je crois que c'est down current, c'est avec le courant. Tu vas avoir des centaines de milliers de saumons qui, eux, essaient de nager à contre-courant. Donc voilà, c'est, tu nages avec les poissons. Mathieu, t'es très bon pour les îles de la Madeleine. C'est vraiment c'est ça. C'est ça. C'est les Américains, aussitôt que tu que t'as un mot qui, en anglais, est nommé autrement, même si la ville ou l'endroit s'appelle Île de la Madeleine, eux vont tout de suite convertir vers McDonald's. Ils sont comme ça, il faut tout le temps traduire. On fait la même chose de notre bord aussi, mais ça donne des confusions. Il y a des régions qui sont traduites en anglais, comme, mettons, les cantons de l'Est. On appelle ça Eastern Township, quelque chose comme ça. OK. T'sais? Mais quand tu l'as en anglais devant toi, tu comprends pas ce que non, c'est. Non, c'est... Parce que c'est les cantons de l'Est. Ben oui. En tout cas, bref, les cantons de l'Est. C'est Paris. Paris, ben c'est ça, exactement. Mais bon, j'imagine qu'il faut traduire à un moment donné, sinon on comprendrait rien non plus. Bon, bref. The Crooked Bush, la prochaine expérience particulière qu'on peut avoir. On va terminer là-dessus, il en reste deux petites dernières. Donc, si on plonge dans les prairies de la Saskatchewan, on va tomber sur une forêt qui sort de l'imagination de Tim Burton, apparemment. Donc, c'est des arbres vraiment sauvages qui vont pousser comme ça, avec une mutation génétique qui sont comme un petit peu comme penchés ou tordus. Si on veut. Ça a l'air comme hanté, on dirait un film d'horreur. On dirait des pattes d'araignée, si on veut, dans le bois. Et ça attire le public. C'est comme ça. Il en reste quelques autres. Je vais vous laisser aller les lire sur assemblagerequis.com. Je pense que ça va être assez pour ça parce que j'imagine que notre ami Alexandre Carignan s'en vient pour sa chronique Le Temps de Culture. Donc on laisse ça pendre pendant quelques instants. La prochaine fois, j'aurai peut-être le top des faits sur Archie. Ah oui, Archie. Je vais garder ça de côté. Ça fait longtemps. Ça m'intéresse. Donc au retour, Alexandre Carignan, Le Temps de Culture, assez. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis avec la voix mielleuse de Jean-Philippe Charbonneau et de Mathieu Plante. Et c'est l'émission matinale en pièces détachées. Il nous reste encore une petite vingtaine de minutes à l'émission. Oui, un petit peu plus que ça. Donc plein d'autres choses s'en viennent avant ça. Un petit peu de musique pour se calmer les hormones. Voici nos amis de Mardi Noir et la pièce Palais de Mélamine pendant que nous, on essaie de prendre de l'air un peu. Il fait chaud aujourd'hui. Oui, il fait chaud. Humide. Je frise. Ouais. Ça fait bien. Mathieu. Je vais avoir un afro d'ici la fin de la journée. C'était Palais de Mélamine de nos amis Martinois. Voilà. On vient avec la chronique Le Temps de Culture dans quelques secondes. On va avoir le temps pour une autre pièce tout de suite, par contre. Rapido presto. Mais en Mordicus, l'heure extrait du palmarès en ce moment, c'est Ma Grande Gueule. On les écoute et on revient juste après avec Alexandra Carignan. Restez là. Tu peux parquer ton char, j'ai de la place en masse. Dans ma grande gueule, toute la planète peut y prendre place. C'est là où les rêves deviennent réels. Dans ma grande gueule, on s'en va découvrir. Océan, les six continents. Dans ma grande gueule, tout est en 3D, tu peux participer. C'est là où les rêves deviennent réels. Où tout est un kaléidoscope. Où mon esprit ouvre cette Ma Grande Gueule. Oh oui, Assemblage requis, bien sûr, ça pourrait pas être ailleurs. Maintenant, tous les mardis matins, on parle d'art et de spectacle, parce que c'est le temps d'une culture. Avec Alexandre Carignan. Ben, bon, il faut prendre le temps de d'inspirer un peu d'art. Alexandra Carignan. Bonjour, bon matin. Tu as fait de la prière pour débuter? C'est de la méditation plus que de la prière. D'accord, ben oui. Ouais, parce que bon. C'est comme ça. Bon, c'est comme ça. C'est comme on va ça. Se le dire, on va se dire les vraies affaires. C'est, bon. C'est ça. C'est ça. C'est parce que j'ai plein de bonnes raisons, mais je vois pas la nécessité de les expliquer. Donc, Alexandra, bonjour à toi. Hey, bonjour, vous allez bien? Ben oui. Toi, ça? Du mieux que je peux. Du mieux que je peux parce que j'essaie de me remettre de ma magnifique finale de la Luître d'hier soir. D'ailleurs, ça va être mon premier sujet là, ce matin parce que comment ne pas parler de ce match mémorable. Et oui, hier à la Chasse-Galerie à 19h30, c'était la grande finale de la Luître. Donc, le dernier match d'improvisation qu'il y avait cette année. Où est-ce que les Rouges affrontaient les Oranges? Donc, on se souviendra tous de la demi-finale, la première demi-finale, où est-ce qu'on s'est fait flabbergaster par une victoire des Oranges, puisque les Bleus n'avaient jamais perdu cette année. Mais les Oranges ont montré qu'ils avaient bien fait de battre les Bleus parce qu'ils nous ont donné tout un match. Le match hier s'est terminé par un score de 10-6 pour les Rouges, mais c'est pas tant ça le oui, il y a un grand écart entre le 10-6, mais il y a beaucoup de pénalités là-dedans. Parce qu'en réalité, les Rouges ont eu 2 impros de plus que les Oranges. Donc, c'est pour montrer à quel point le match était égal. Et dès la première improvisation, qui était une espèce de fusillade en entonnoir, là, donc c'était une fusillade comparée, où est-ce que les équipes commençaient à 4 joueurs, l'autre c'était à 3, l'autre à 2 et à 1. Et dès ce moment-là, là, les improvisateurs avaient de l'énergie sans bon sens. Pour vrai, j'étais là sur mon siège et j'étais, ben si ça continue comme ça, là, ça va être un maudit bon match. Et ça n'a pas arrêté. Oui, il y avait des mixtes, oui, c'est de la compétition, mais jamais au détriment du spectacle. C'était tout le temps plus drôle que... Pour vrai, j'ai vraiment aimé mon match. Good. Le meilleur de l'année, peut-être? C'est le meilleur de l'année, ouais. Selon moi, à la lutte. Et selon l'arbitre aussi. Jocelyn Garneau était oui, là oui, qui a oui. dit vraiment être impressionné. Et oui, oui, c'est... Et quand on parle de Jocelyn... Oui. C'est un bon juge. L'arbitre qui, pour la finale, faut le mentionner, nous a fait une deuxième entrée assez spéciale. Oui! Parce que normalement, en fait, l'arbitre entre seulement au début du match. Oui. Et là, Jocelyn a dit « Non, non, non, c'est la finale, ça marche pas de même. » Alors, Jocelyn a demandé à la DJ... Toi, ça? C'est moi, ça. C'est toi, ben ouais. On a passé 10 minutes... À Madame Alexandra Carillon. À chercher une toune épique. OK. Pendant la pause, pendant que les gens buvaient de la bière... J'ai pas eu le temps de faire pipi, d'ailleurs. Ça a été un de mes grands drames hier. Pipi sur le coin de la bande. On a cherché une toune épique pour que, à la fin de l'entracte, lui était couché en arrière des bandes et que quand je pars ma toune épique, il rise en arrière. Rise from the dead. Pour ramener le show. C'était parfait. Wow. Ça l'a brimé mon envie. Mais ça valait la peine. Ça a été parfait, puis ça a capté l'attention de l'auditoire qui était très distrait, puisque moment-là, puisque c'était le retour de pause, donc vite, on a remis la table là, pour le reste. Distrait parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais tellement écoutant. Là. Oui, on vraiment. La chasse était pleine. Souvent, quand la chasse est pleine, on a affaire à des personnes... Qui sont là pas pour le show, pour un band qui joue après. Elle était pleine à craquer et elle était toute là. Pour l'impro. Alors, on a eu un beau public hier, un beau match. Écoutez, c'était vraiment là. Oui, c'est les Rouges qui ont gagné. Yay! j'ai mes allégeances. Oui, c'est ça. Bon, j'étais dans les Rouges l'année dernière. Mais les Oranges se sont vraiment bien battus. Il faut dire aussi que les Oranges ont eu une rough patch durant l'année puisqu'ils ont perdu une de leurs joueuses et qu'ils ont pris le substitut des Bleus. Comme quoi, être substitut ne veut pas dire que tu n'es pas un bon joueur. Ben non, c'est ça. Et ça, c'est l'équipe de Vanessa. Oui, donc l'équipe d'Orange, c'est Vanessa, Jonathan Côté, Vincent Rainville et je blanc. PC. PC Falardeau, ben oui. Ben oui, PC, il fait ça au PC, comme on dit. Ben oui. C'est drôle. C'est ce que... Alors, très bon match hier. C'est ce qui a terminé, en fait, la saison de la lutte. Donc, ne vous pointez pas lundi prochain à la chasserie. Ben, il va y avoir d'autres choses, c'est sûr. Ben oui, ben, c'est sûr qu'il va y avoir un petit chansonnier, selon moi. Là. Éric Masson devrait être son temps de revenir. Au moins là, bientôt. Fois. Alors, vous pouvez watcher ça, mais il n'y aura plus d'improvisation. Non, il n'y a pas de match spéciaux. C'est pas, c'est juste, c'est fini là, c'est on n'en reparle plus. Terminé. Jusqu'à l'automne. Oui, c'est parce que les joueurs aussi ont une fin de session. Ben oui, c'est sûr. C'est... Donc, ça leur permet de se calmer un petit peu. Il n'y a pas juste Assemblage Requis qui souffre de ces fêtes sessions-là. Mais bon, si vous aimez l'improvisation, puis vous dites « Oh non, la huître n'existe plus, elle est morte pour cette année, et blablabla », elle revient en septembre. Ben c'est un phénix, là, tu sais, je veux dire. Ça t'as juste un bon, genre, 4 mois et demi à attendre. C'est pas long, là. Non, c'est pas long. Plus que le match, j'imagine, cet été, ça n'a pas été dévoilé, mais j'imagine qu'ils vont quand même faire quelques événements. C'est des joueurs, souvent, de la huître, mais je pense pas que c'est... Est-ce que c'est des événements de la huître l'été, non? En fait, l'été, ce qu'on fait majoritairement, c'est la huître pour emporter. Pour emporter. Ah oui, donc, chez les gens. La lutte dans ton salon. C'est vrai, et ça reste encore l'ancienne bande, donc vu que les équipes n'ont pas encore changé, tu vas vraiment voir les équipes telles qu'elles sont en ce moment cet été, si tu les invites chez toi. Oui. D'accord. Oui. En fait, c'est ça. C'est les joueurs qui sont là, qui jouent. Puis des fois, il y a des improvisateurs comme Laurent Gélina ou Jocelyn, tu sais, qui vont se greffer à ça. Qui sont pas techniquement dans la lutte d'habitude, qui viennent jouer avec. Ce sont des joueurs réguliers, mais qui vont jouer. Ça, c'est le fun. Mais là, je vous entends dire « Oh non, mais là, comment je vais faire pour survivre à l'impro ou pas d'impro? » Ben, la lime, elle, écoutez, la huître finit ses finales, ses séries. La lime commence ce soir. C'est final. Alors, c'est séries, en fait. C'est séries, c'est ça, les éliminatoires. C'est ça, les éliminatoires, parce que, bon, ce soir, c'est la première demi-finale. C'est les Mauves qui vont affronter les Verts. Donc, les Mauves, l'équipe de Alex Drouin, et les Verts, l'équipe de Louis-Étienne Villeneuve. Mentionnons-le. Ces deux joueurs jouent à la Live de Victoriaville. Et la semaine dernière, c'était la demi-finale. Où est-ce que s'affrontait l'équipe d'Alex Drouin et de Louis-Étienne Villeneuve? Et Louis-Étienne Villeneuve a cavalièrement mis l'équipe de Drouin out. Alors là, bon. Il veut prendre sa revanche. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a Alex Drouin qui veut reprendre sa revanche. Est-ce qu'il y a Louis-Étienne Villeneuve qui va être clément? On ne le sait pas. Tout ça va se dévoiler ce soir. Et d'ailleurs, ben c'est ça, c'est 50% de la programmation de la finale qui se dévoile ce soir. Ça vaut la peine d'y aller. Là. C'est logique. Et la semaine prochaine, ce sera, devine quoi, l'autre moitié. L'autre moitié, où est-ce que les Blancs vont affronter les Oranges. Alors, ça vaut la peine, ça vaut la peine. D'ailleurs, mentionnons l'événement de la semaine dernière, où est-ce que la Lime a reçu la Lime montréalaise dans un climat Eleni. Mm-hmm. C'était vraiment, vraiment drôle. Faut dire que, bon, la scène était centrale, donc avec les bandes, il y avait un arbitre, deux assistants-arbitres. C'était trois périodes de 30 minutes. On est vraiment là, retourné au school. On donnait même des claques au public pour qu'ils puissent le lancer lorsqu'ils n'aimaient pas l'improvisation. Ce n'est pas arrivé. C'est arrivé une fois alors que l'arbitre décernait une punition de cabotinage. C'est souvent là tu vas boulou, puis tu pêches ta claque. Mais les gens ne sont pas habitués. C'est une vieille idée, donc de ramener ça, c'est super cool, mais le public n'est pas habitué de le faire, donc on a l'impression d'être méchant ou comme gêné, c'est non? Moi, pour avoir été longtemps dans le public, tu fais « ben, ils sont bons ». C'est ça. Je suis qui, moi, pour dire « ceci n'est pas bon ». Mais dans l'idée de Robert Gravel, c'était ça. Là. C'est le public a son... Le public est souverain, en fait. Et son propre pays. Et son propre pays, voilà. C'est ça. C'est ça, l'improvisation. Alors, ce soir, à la Maison de la Culture, 20h. Donc, ce sont les Mauves et les Verts qui s'affrontent pour la demi-finale. Donc, quand même, une de ces équipes-là va jouer son dernier match de l'année, mine de rien. Alors, c'est 5$ pour les étudiants et 6,50$ pour les adultes. Alors, ça, c'est pour l'improvisation. Si vous êtes plus théâtre, eh bien, cette semaine, c'est Lapin Lapin qui est joué par le théâtre des Nouveaux Compagnons. Et à ce que j'ai entendu, ça vaut la peine d'y aller. Le nouvelliste a fait une magnifique critique. Mm-hmm. D'habitude, quand le nouvelliste aime, là, c'est parce que c'est bon. vraiment, là, Lapin Lapin, le théâtre des Nouveaux Compagnons, une grande distribution, une pièce de théâtre française qui, selon les dires, là, c'est sûr qu'on l'a pas vérifié dans les théâtres plus obscurs, mais selon les dires, n'a jamais été jouée au Québec. Alors, un petit drame, une comédie familiale française, super légère, c'est 1h30 sans entracte, ça vaut la peine. Oui. Donc, ce vendredi, samedi et dimanche. Le Lapin Lapin va jouer. Il faut dire qu'elle a joué la semaine dernière, donc c'est la dernière semaine. Parce que c'est comme souvent le théâtre va présenter deux semaines de suite. Je ne vais pas te contredire, mais je crois que c'est jeudi, vendredi, samedi. C'est vrai, excuse-moi. Jeudi, vendredi, samedi. On les a reçus l'autre fois, et c'est ce que j'ai retenu. Oui, c'est vrai, dimanche, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. En après-midi. Oui, donc il n'y aura pas la semaine prochaine. Dans la distribution, il y a Alexandrine Pichessier, notre chroniqueuse du mercredi matin aux deux semaines. Oui, il y a Alexandre Zouéki ici, que vous avez peut-être reçu à la lutte. Myriam Lortie, qui fait les précieuses ridicules. Ici, c'est fou. Finalement, vous devriez avoir une part dans tout ça. Oui. C'est ça. On prend une cote. On est très cote, là. Parle pour toi. Vous êtes cote. Et on a la cote. Oh. Et cote. Ouais. On aime les œufs. Bref. C'est pas quand on est dans le thème. C'est ça. Alors, donc, c'est Lapin-Lapin, je vous le rappelle. C'était la salle Anaïs Salard-Rousseau. Donc, 19 avril, 18$ régulier, 15$ étudiant, 12$ groupe plus de 10, donc si ça vous tente. Gratuit si vous êtes dans la distribution. Asseyez-vous. Alors, théâtre des Nouveaux Compagnons, Lapin Lapin, ça vaut la peine. Ça vaut la peine! Oui, bravo Alex! Ça vaut la peine! Oui. Tu fais les meilleurs moments en ce moment, j'en suis certain. Oui. Bravo! Ça va être le nom de l'émission. Ouais. Ça et vaut aussi, la c'est peine. Ça. Ouais. Là, là, là. Hey, je ne sais pas comment quitter cette chronique majestueusement. Alors, voilà. Mais sinon, si vous voulez aller voir des expositions, je vous rappelle en rafale que le Centre d'exposition Raymond Lanier présente toujours deux expositions. Donc, Janie Julien Fort et Valérie Morissette. Et le Centre culturel Pauline Julien aussi présente toujours Sonia Payette. Alors, allez-vous cultiver? Oui. Ben, mais en. J'ai pas entendu quelque chose. Je t'en ai pas parlé, là. Je sais pas si c'est parce que c'est la semaine prochaine. C'est ça, exactement. On en reparlera la semaine prochaine, mais le collectif du Vieux P, le 26, j'avais noté ça. Moi, je veux que tu m'en reparles. La semaine prochaine, c'est bon. La semaine prochaine, je vous parle du collectif du Vieux P et d'Alex Nevsky. Ouh là là! Génial. Oh, les avant-goûts, toi, les previews! Puis en plus, je vais vous en parler... Mais vous pourrez pas y aller parce que c'est sold out. Oh, non. Mais je l'aime tellement qu'on va quand même. On est ses amis, on y a chanté une chanson. Je crois qu'on peut avoir les billets. on y a chanté une chanson. Ouais, c'est vrai ça. Merci Alexandra Carignan. Ça fait plaisir. Mm-hmm. Beau travail pour une autre chronique Le Temps d'une Culture. On se retrouve la semaine prochaine. Et parlant de culture, Mathieu. Ouais. S'il y a une soirée cachée, mercredi. Oh, ben dis-moi plus. Ben j'ai rien d'autre à dire. Mais non, mais mercredi au 10-12. Ouais, un léger avant-goût quand même, toi aussi. Un léger avant-goût. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis, la première partie va être très bonne. OK. Des gens de l'UQTR qui ont fait l'UQTR en spectacle. OK. Oui. Cette année? Oui. OK. Oui. Ça me dit pas absolument grand-chose rien. Plus. Non, c'est ça, absolument pas. Voilà. C'est pas grave. Rien de plus ne sera sorti. Est-ce que ça va sortir demain? Oui, Mathieu. D'ailleurs, je vais t'en parler demain. Pour demain. Génial. Tu seras sûrement pas là demain parce que c'est Stéphanie, mais quand même. C'est ça. D'accord. Donc, sur l'émission de mercredi matin à 8h, sûrement, c'est tout à 8h. Pour l'instant, par contre, on écoute notre ami Pascal Picard. Elle aussi, on l'aime beaucoup. C'est Paper Planes qu'on s'en va entendre. C'est son nouveau succès. C'est partagé entre les gens qui aiment beaucoup et les gens qui trouvent ça déplaisant. Moi, je l'adore. Je trouve ça super original ce qu'elle fait. Paper Planes, Pascal Picard sur ce. Puis après ça, ben, on se dit au revoir. Avec un xylophone. C'est l'heure de la pause. Bump my head on the same shelf. How many times will I get my fingers jammed in the door? How many mistakes must I make till I learn? How many bruises does it take to be done? How many frogs will I kiss to find the perfect one? What's so special about me that's gonna make it fun? Will I just get bored? What? Are you still around? Can I bump my head on the same shelf? How many times will I get my fingers jammed in the door? How many mistakes must I make till I learn? How many bruises does it take to be done? How many frogs will I kiss to find the perfect one? What's so special about me that's gonna make it fun? Will I just get bored? What? Are you still around? Jump a moving train, I'll chase hurricanes. Just watch me turn around the room. To the games, oh baby, fly away. I'll hurt you too. Mm-hmm. La sieste est finie, les enfants. On se lève. On se lève. Ouais, peut-être pas comme ça. Oui. Dis de même, on se lève, ça a l'air bizarre. Ah. Mais tout peut avoir l'air bizarre quand tu fais exprès pour que tout ait l'air bizarre comme nous. Hein. Ben oui, c'est ça. Ouais. On est bizarre. Pascal Picard et Paper Planes à Assemblage Hockey. C'est là-dessus que se termine notre émission. Merci Alexandra Carignan. Oui, ben avec, ça connaît avec le temps d'une culture. Hein. Si les gens avaient déjà oublié, ça vient juste d'arriver. Ben oui, hein. C'est ça. Demain, on aura... qu'est-ce qu'on a demain? Attends un peu. On a Justine Renaud qui va être avec nous pour faire tourner un album qu'il a marqué dans Justine aux platines. Stéphanie Paradis va nous faire découvrir de la nouvelle musique dans le poste d'écoute. On va dépenser notre paye en une seule et unique transaction Interac dans Ça existe, mais ça ne devrait pas on l'a. C'est demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez à l'écoute parce que c'est fou. Continue sa belle programmation toute la journée. Ça va être fascinant, comme toujours. À 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, rock classique avec Alain Lefebvre entre 13h et 19h. Le pan de mur, comme on l'appelle. À 19h, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. Mais dans quelques instants, dans une demi-heure environ, ce sera des Malhonnêtes, l'émission d'affaires politiques. Oui, monsieur. Avec Fessa au PC, Falardo. Ben oui. Et Michael Magnitude. Parce que quand il parle de choses sérieuses, il y a une... C'est ça. Ça prend de l'ampleur. C'est ça. C'est à 10h tout à l'heure. C'est fou.ca. Pour la programmation complète, Mathieu, et c'est ça. Et assemblagehockey.com, c'est les, ça. Pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. C'est ça. Puis tout. Pas à demain pour toi parce que ça va être Stéphanie Paradis, mais à demain pour les autres. Oui, hey, demain, on dévoile les soirées cachées. C'est fou, Mathieu. Oh, c'est vrai, ça. Va falloir être là. Hey, ça va être bon. OK. Oh, que ça va être bon. Bonne journée. Bye.